L'homme et l'idole de bois. Fable de Jean de La Fontaine. Livre 4, fable 8. L'homme et l'idole de bois. Certains païens, chez lui, gardaient un dieu de bois. De ces dieux qui sont sourds, bien qu'ayant des oreilles. Le païen, cependant, s'en promettait merveille. Il lui coûtait autant que trois. Ce n'était que vœux et qu'offrandes, sacrifice de bœufs couronnés de guirlandes. Jamais idole, quel qu'il fût, n'avait eu cuisine si grasse, sans que, pour tout ce culte, à son hôte il échût succession, trésor, gain au jeu. Nulle grâce. Rien plus, si pour un sou d'orage, en quelque endroit, s'amassait d'une ou d'autre sorte, l'homme en avait sa part, et sa bourse en souffrait. La pitance du dieu n'en était pas moins forte. À la fin, se fâchant de n'en obtenir rien, il vous prend un levier, met en pièce l'idole, le trouve rempli d'or. « Quand je t'ai fait du bien, m'as-tu valu, dit-il, seulement une obole? Va, sors de mon logis, cherche d'autres autels. Tu ressembles au naturel, malheureux, grossier et stupide. On n'en peut rien tirer qu'avec eux le bâton. Plus je te remplissais, plus mes mains étaient vides. J'ai bien fait de changer de ton. » Fin de L'homme et l'idole de bois, par Jean de La Fontaine.